allez-vous? Bon, ça va, merci. Il fait... Ça caille. Ça caille. Alors, on va se réchauffer le cœur avec du Beatles, du Lennon, du McCartney, du Starr et du Harrison entre 20h et 22h avec la saga des Fab Four, la numéro 653. L'album de la semaine, c'est l'album Traveling Wilburys volume 3, alors qu'il n'existe pas de volume 2, sorti... chez George Harrison en 1990. On écoutera She's My Baby, puis Inside Out. Il y aura également Where Were You Last Night? Où est-ce que tu étais l'année dernière? New Blue Moon, You Took My Breath Away. Et petit bonus, parce que j'avais envie, pour terminer ce double album volume 1, volume 3, sorti en deux semaines pour nous dans la saga des Fab Four, on écoutera Wilbur Twist et Nobody's Child à la suite. Donc ça vous en fera un de plus parce que ça me fait plaisir. C'est comme ça, c'est cadeau. Il y aura quand même du McCartney, du Starr et des Beatles. Pour McCartney, ce sera Dear Boy sur RAM dans l'édition Deluxe. Vous allez voir parce que le son est absolument fantastique. En édition Deluxe aussi, ce sera Isolation Ultimate Mix par Lennon en 1970, mais sorti en 2021 pour la version Deluxe. Ringo Starr nous chantera Love is a Mainly Splendid Thing sur Sentimental Journée en 70. Pour les Beatles, on commencera avec There's a Place sur Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. J'entends déjà le générique qui se termine, ça passe vite, et 22h, non pas encore. On commence juste avec le premier titre, les Traveling Wilburys, on en parle juste après. Avec ce premier titre, She's My Baby. Bonne soirée à vous tous et toutes sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. Yeah. 12 ans après le succès mondial de Traveling Wilburys volume 1, les quatre membres survivants du supergroupe, George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty et Bob Dylan, se réunissent pour un second album. Ils décident de l'appeler ironiquement volume 3 pour entretenir le mystère autour d'un hypothétique volume 2. Le titre donc, Traveling Wilburys volume 3, les artistes sont les Traveling Wilburys, c'est sorti le 29 octobre. Rendez compte, on est le 29 octobre 1990. Mais les producteurs sont encore une fois Otis Wilbury, alias Jeff Lynne, et Nelson Wilbury, alias George Harrison. Enregistré au printemps 1990 à Fry Park, la propriété de George Harrison, l'album se veut une suite directe du premier opus. Mais le décès de Roy Orbison en 1988 plane sur le projet, et son absence donne au disque une tonalité plus mélancolique, même si l'humour typique du groupe reste bien présent. À sa sortie, l'album reçoit un accueil mitigé. Certains regrettent l'énergie du premier opus. Avec le temps, il est réhabilité comme une œuvre sincère, pleine de charme et de complicité. Le single She's My Baby qu'on vient d'entendre est avec Gary Moore à la guitare. Remporte un grand succès et Wilbury Twist amuse par son clip décalé. Je dois avouer que je ne connais pas ce clip de Wilbury Twist. On le passera en fin d'émission, donc... Si vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez vous nous rejoindre sur le groupe Facebook de l'émission, le groupe La Saga des Fab Four sur RIG 90.7, eh bien, ça fera plaisir. Vous verrez peut-être le clip de Wilbury Twist. C'est le dernier chapitre de l'aventure Wilbury. Volume 3 marque la fin d'un projet unique dans l'histoire du rock. Il reste le symbole d'une amitié musicale entre légendes et d'un plaisir de jouer ensemble sans aucune pression commerciale. Merci, les Traveling Wilburys. Guess you never knew, dear boy, what you had found. Guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. It made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Isolation. The world is changing. just a little town. Everybody trying to put us down. Les annonces magistrales et les sommets dramatiques de John Lennon, Plastic Ono Band se trouvent des morceaux plus modestes comme Isolation qu'on vient d'entendre à l'instant. Une courte pause permettant à John de plaider doucement sa propre fragilité. Adoré ou haï, il reste un homme comme les autres, tout aussi petit face à l'univers et tout aussi prisonnier de sa propre existence. Dans le cas de Lennon, son isolation était une chose qu'il recherchait et regrettait. Il exprimait son souhait de se joindre aux autres tout en reconnaissant son désir de s'en écarter. Complexe un petit peu, hein, le père Lennon. En tant que Beatle, il s'approcha plus que quiconque de la célébrité totale. Et pourtant, il lui arrivait parfois aussi de souhaiter s'en débarrasser. Sa participation à divers événements et tribunes lui montra qu'il avait une certaine liberté dans le rôle du clown. « Je ne suis pas un homme politique », déclara-t-il au magazine Oz. « Je n'ai donc pas à me préoccuper de l'opinion publique quant à la façon dont je mène ma vie. » Je le refuse. Je veux dire, je n'y pense même pas. Si un homme politique voulait s'enfermer dans un sac blanc dans l'Albert Hall, il devrait d'abord penser aux conséquences sur ses électeurs. Mais je ne suis pas un homme politique et je ne dois rien à mes électeurs que je crée quoi que ce soit et qu'ils acceptent ou rejettent en fonction de ses propres mérites. Si elle ne faisait pas partie de ses meilleures chansons, Isolation transcende néanmoins le thème archi-rebattu de la solitude au sommet parce qu'elle est suffisamment générale dans son expression pour décrire un sentiment que la plupart des gens peuvent ressentir un jour ou l'autre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Plus cool, plus calme. Ringo Starr en 70 aussi. trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.net. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos quatre amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, BeatlesMagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Très très peu de temps sur Isolation en 1970 par John Lennon. Eh bien, dès le premier album, l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs, si Misery exprime pas mal, si, tandis que Misery exprime le sentiment d'isolement et de rejet qui allait devenir l'une des préoccupations majeures de John dans ses chansons, There's a Place, cette fois-ci, s'attache au thème tout aussi récurrent du réconfort que l'on peut trouver en soi-même, dans ses pensées, ses rêves et ses souvenirs. Dans cette chanson, John réagit aux soucis de l'existence en se réfugiant dans ses pensées, une idée qui serait plus tard développée d'une façon plus élaborée dans Strawberry Fields Forever, Girl, In My Life, Rain, I'm Only Sleeping, Tomorrow Never Knows et bien d'autres encore. Il résumera plus tard There's a Place par ces mots « Tout est dans votre tête ». Et on revient, nous, dans nos oreilles, avec le deuxième extrait de l'album de la semaine. L'album, c'est Traveling Wilburys Volume 3. Volume 3, si vous voulez. Et ce morceau, Inside Out, sur RIG. Upside right. Upside yeah, don't. D'années, puisque nous retournons en 1966 et l'album Revolver. J'ai toujours cru qu'une chanson comme Yellow Submarine, n'avait pu être composée que par Paul McCartney. Et la grosse surprise que j'ai eue en achetant le Deluxe, la version Deluxe, qui est sortie en 2022, je crois. Je vérifie sur mes... Oui, 2022. Il y a une petite partie d'une minute et quelques dans laquelle on n'entend que John Lennon qui travaille la chanson. Donc la preuve que ça n'est pas que d'une version de Paul McCartney. Cependant, Lennon tirait la chanson sur quelque chose de beaucoup plus sombre, puisque globalement il dit « au moment où je suis né, mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout ». C'est ce qu'il dit. Ça n'aurait pas donné la même chose. In the place where I was born, no one cared, no one cared. And the name when I was gone, no one cared, no one cared. And the town where I was born, no one cared, no one cared. If you run and you come wrong, no one cared, no one cared. In the town where I come from, no one cared, no one cared. Il y a une version plus longue de 4 minutes, mais n'est pas plus intéressante que ce que vous venez d'entendre. Voici la version que tout le monde connaît, celle avec Ringo Starr. Tout le monde chante. Lived the man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 653 sur RIG. Et tout va bien, on est ensemble jusqu'à 22h. Et quelquefois, des gens extérieurs à la radio, qui me connaissent au boulot par exemple ou d'autres, me disent « Mais tu fais une émission sur les Beatles depuis plus de 40 ans. Mais est-ce que t'as pas déjà tout dit ?» Ben non, j'ai pas déjà tout dit, d'abord parce que je ne me contente pas des Beatles de 1962 à 1970. Je dis que c'est les Beatles à partir d'octobre 1962 et la sortie de Love Me Do, même si il m'est arrivé d'en prendre un petit peu plus tôt encore, d'aller en chercher, mais rarement, un petit peu plus tôt avant ce moment-là, mais aussi jusqu'à maintenant, si McCartney, si Ringo Starr, même si George Harrison, plutôt l'héritage de George Harrison nous sort des chansons inédites, ça passe dans la saga des Fab Four, par exemple. Je vous propose un morceau deux morceaux. Je vais retourner le disque exprès. On va faire l'un et l'autre derrière, qui ne sont pas sur un album. C'est Paul McCartney, bien entendu, qui nous habitue à ce truc-là. C'est en 2019. Le single Home Tonight. Je vous propose Home Tonight et In a Hurry à la suite l'un de l'autre. I'm taking you home. Taking you home. Taking you home. Yeah. and you're listening to RG. Widescreen Radio. Somebody has to sit and wait. Deep in a dream, she is a voice. It's not too late to celebrate. Uncontrollable laughter. Not too late to celebrate. Running round in her head. No one said you got to run. This is what she was after. Not too late to celebrate. Not too late. Celebrate. No one said you gotta wait. Allow me to congratulate you, baby. Yeah, yeah. It's never too late to celebrate. No one said you had to wait. Allow me to congratulate you, baby. She doesn't have to hurry. She can do exactly what she wants. Ask her why she doesn't worry or fret. This is her response. Uncontrollable laughter. One round in her head. This is what she was after. Allow me to congratulate. It's never too late to celebrate you, baby. Vraiment très belles années que 2018-2019 pour Paul McCartney, avec une voix tout à fait correcte, avec la sortie de Egypt Station, et puis en 2019, là, ces deux titres sur le même single, donc que vous venez d'entendre, In a Hurry, et à l'instant, c'était Not Too Late to Celebrate, c'est-à-dire, ça s'appelle comment ? J'ai perdu In a Hurry, voilà, Home Tonight d'abord, et In a Hurry ensuite. On retourne vers l'album de la semaine, The Traveling Wilburys, sorti en 1990. J'espère que j'ai toujours dit 1990, c'est parce que j'avais dit 1988, c'était l'album d'avant. Mais bon, espérons que vous êtes à l'écoute de toute façon, donc vous aviez corrigé. Voici Where Were You Last Night? Où est-ce que tu étais la nuit dernière? Where were you last night? This is it, over the hill. Hill. We'll be right back. crows at my window, dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. My brother told me life's not a pain. That was right when it started to rain. Where am I going wrong? I don't know. But it's all right. Sleep tight. I will take the strain. You'll find très très bien de la première écoute de cet album-là. Je me suis dit, mais attention, c'est tamponné, McCartney, masterpiece, tout de suite. I don't know, c'est vachement bien. J'adore cette chanson. Oh, dirty Maggie May, they have taken her away. And she never walked down life streets anymore. Oh, the judge, she guilty found it. A home of bounding, that dirty, no good Robin Maggie May. Tis the part of Liverpool, did it turn me to £2.10 a week, that was my pay. Inside, oh yeah. Oh yeah, that's right. I've got a feeling I can't hide. Oh no, no. Oh no, oh no. Yeah, yeah. I've got a feeling, yeah. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the food out. Oh yeah. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Brusquement, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'attendais pas à ça. J'étais en train de faire autre chose. trois fois, John, Paul, Ringo et George, alias les Beatles sur Let It Be, parce que ça valait le coup quand même. Alors d'abord, Maggie May, oui, rien d'extraordinaire, hein. Maggie May, c'est une chanson traditionnelle, et on se demande un peu ce qu'elle fait sur cet album-là. Et puis, il y a eu I've Got a Feeling, qui là, vraiment, c'est un grand moment. D'ailleurs, je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit, mais on ne sait jamais si vous êtes, si vous écoutez la saga pour la première fois, c'est encore possible. Lorsque Paul McCartney a chanté en concert cette chanson, avec John Lennon qui apparaissait derrière, en même moment, en live, si on veut, on a prétendu que c'était quelque chose de génial, que c'est la première fois qu'on faisait ça. C'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai, parce que dans les années 90, les Bee Gees avaient fait la même chose avec leur frère Andy, qui a chanté une chanson en commun avec les Bee Gees. C'était Don't Throw That Away Our Love. Et Barry Gibb commence la chanson, puis il laisse la place à Andy qui apparaît sur les écrans. Il est mort, Andy, il est mort à 30 ans seulement, c'est dans le manteau. Et on voit les trois Bee Gees, les trois autres frères, faire simplement les chœurs. Et on voit très bien à la fin de la chanson que, dans mon gros sur le chœur, quoi, ils ont vraiment, c'est pas le même chœur, c'est pas, il y a pas de H dedans, c'est le chœur, le vrai chœur. Ah, ça va faire bizarre. Bon, mais j'ai digressé un petit peu, mais j'avais envie de vous dire ça parce que les Bee Gees, c'est le deuxième groupe que je préfère avec les Beatles. Ça, c'est les Traveling Wilburys. New Blue Moon sur RG. Avec un petit peu d'avance, de nous occuper de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou même en solo, une fois après 1970, si vous voulez, et même si eux-mêmes, nos quatre amis, faisaient une cover, eux, à l'instant même. L'important, c'est que eux les chantaient. Vous avez compris, depuis le temps que je le dis. La cover de ce soir est une très belle femme, morte récemment, hélas, mais qu'est-ce qu'elle était belle, qu'est-ce qu'elle chantait bien. une jolie blonde du nom de Olivia Newton-John qui reprend une chanson de George Harrison sur son premier album. Le premier album s'appelait If Not For You et le titre du morceau que nous allons entendre c'est If Not For You par la très belle Olivia Newton-John sur RIG. Avec les fils de Paul, enfin les fils en tout cas de nos amis. Voici une première collaboration chantée entre Monsieur McCartney et Monsieur Lennon, alias James McCartney, le fils de Paul, et Sean Lennon, le fils de qui vous savez, John Lennon. Voici Primrose Hill, sorti l'année dernière sur l'album Beautiful Nothing, qui était plutôt bien. disappear forever. Forever's a long word. Never's not long enough to be loving you. Forever and a day. I looked into your eyes. Such a great surprise. You take my breath away. Always remember Primrose Hill, Primrose Hill. We'll always remember Primrose Hill. Parler de Eric. Eric qui sera là tout à l'heure à partir de 22h pour son émission Johnny de Haha Z. Et l'album de la semaine qu'il a choisi pour vous, c'est Le cœur d'un homme par Johnny Hallyday, forcément. Ce sera ce soir et il vous fait dire que le reste de la programmation sera une programmation blues. Est-ce que c'est parce qu'il fait froid qu'il a eu envie d'avoir un petit peu le blues, Eric? Il vous le dira à partir de 22h, une petite virgule peut-être, on verra ça tout à l'heure. Voici Bring on the Lucy, la même que tout à l'heure, mais dans une version évolution. Vous savez, vous aimez bien ça, voir comment la chanson évolue. C'est proposé dans les Ultimates de John Lennon, quand maman essaie de nous donner tout ce qu'elle a avec le peu qu'a fait John, malheureusement. Hein, malheureusement, ça c'est vrai, après la séparation, ben voici quand même quelque chose d'intéressant. Bring on the Lucy, l'évolution de cette chanson. Wonderful folks. Something like that. What? Below East, yes. It's a hit it so hard. Is this flat? Sharp. When I start singing is when it starts. And when I stop, we just keep going until Gordon looks up. Anything over 5 minutes, wave your arm a little. Two, one, two, three, four. Am I on my own here? And again, and I'm sorry, if you're going to come in after me, tell me. Okay. Those bongos are a bit loud in the head. We need more of Jim's backbeat. No, we're going to lose our rhythm. All right, boys. This is it, over the hill. One, a two, a one, two, three, four. We understand your paranoia. We don't wanna play your game. You think you're cool and know what you are doing. 666 is your name. So while you're jerking off each other, chanson de John Lennon, mais ben voilà l'anthologie Lennon, donc on vous montre l'évolution de tout ça. Ce son là, ça va chauffer. On est sur l'album blanc. C'est pas le McCartney. Ouais. Powder Scouter take 17. Helter Skelter, deuxième version, prise 17. Oh, look. keep that one. Non, c'est pas celui qui a été gardé, mon petit Paul. Allez, on revient à quelque chose de plus traditionnel, de moins violent. Nous sommes sur l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est les Traveling Wilburys, volume 3 de 1990. George Harrison, John Jeff Lynne, Roy Orbison n'est plus là, mais il reste Bob Dylan et Tom Petty. Je crois que j'ai tout dit. Ils ne sont plus que 4 pour le deuxième album, qui est en fait le 3. Vous avez suivi? Faites-vous des dessins avec des petits rectangles, des triangles, vous allez comprendre. Donc le presque l'avant-dernier extrait, c'est l'antépénultième en fait, l'avant-avant-dernier extrait, You Took My Breath Away sur RIG. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black. Thank you.

Goodnight Vienna on Apple Records and tapes. Thanks, John. It's a pleasure, Ringo. Un petit peu de pub de la part de John pour son pote Ringo Starr. C'était Nonono sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Et si vous êtes sur la route, faites bien attention à ne pas faire, ou alors à faire au contraire, comme dans la chanson de Ringo Nonono. On lui propose une bouteille de whisky, il dit non, j'en bois plus, c'est fini parce que moi ça me couche par terre. Puis quand je me réveille, je sais plus où je suis. Alors on lui propose de la drogue, il dit non, je ne sniffe plus parce que quand j'en prends, eh ben je me couche par terre et puis après, c'est plus le cas. Donc, ne faites pas ces bêtises-là et roulez prudemment. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on retrouve l'album de la semaine. Et l'album de la semaine, c'est l'avant-dernière fois, c'est ça. On enchaîne avec Wilbury Twist et Nobody's Child. À la suite, sur RIG. Ah, c'est cadeau. C'est tiré galé. C'est la saga des Fab Four. Nobody's child. town and village, there are places just like this, with rows and rows of children, babies in their cribs. They've long since stopped the crying, as no one ever hears, and no one's there to notice them or take away the fears. Nobody's child, nobody's child, just like a flower, they're growing wild. Got no mommy's kisses and no daddy's smiles. Nobody wants them, they're nobody's child. Maintenant, on n'arrête plus la musique parce que dans une grosse vingtaine de minutes, ce sera Eric et son Johnny de A à Z avec du blues en programmation. Et rappelle-moi, Eric, l'album de Johnny. Le cœur d'un homme. C'est vrai, le cœur d'un homme. Je l'avais pas sous les yeux, donc je ne m'en souvenais plus tout de suite. Eh bien, allons-y. Oh là là là. McCartney, Paul. Sur RG. Qu'est-ce que c'est bon? Yeah. album du Masterpiece Egypt Station, sorti en 2018. On termine l'émission avec deux Ringo Starr. D'abord, Vertical Man, sorti en 1998 sur l'album qui s'appelle Vertical Man. Vous êtes sur RIG, dans quelques minutes, ce sera joli de A à Z avec Eric. When the world is coming down. Against the wall, change the glass that you've been looking through. It's really hard fall after all. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? Your feet, scream and shout, let it go. Let it go. It's never quite as bad as you think it is. 'Cause every bad day turns around. Forgive yourself for all the things you did. The vertical man don't lay down. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? Come on, kick the bottom out. Stomp your feet, scream and shout, let it go. Let it go. Sun comes shining through for you. You'll discover even rainbows have the blues. Yes, I know it's not news to you. Am I getting through to you? Feel like giving up? Don't you know life is tough? Let it go. Don't you know? Come on, kick the bottom out. Scream and shout, let it go. Let it go. When you feel like giving up, when you feel like you've had enough, let it go. Autour d'une bonne boisson, c'est Ringo qui paye. En 2005, Free Drinks, Monsieur Ringo Starr sur l'album Choose Love. Monday is here and I'm feeling. d'être venu. Restez, hein, restez, c'est bien encore maintenant. Ça va être Eric, Johnny de A à Z. Ça va être un petit peu blues, mais c'est pour vous mettre en condition pour l'hiver. Voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite une très bonne écoute des programmes de RIG là tout de suite, dans quelques instants. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Joie, bonne humeur et tout ça. Et on va se réchauffer avec l'album New de Paul McCartney. En 2013, je l'ai déjà choisi. Oui, une envie comme ça. À très, très, très, très bientôt. Bisous, filles, poignées de monde, garçons. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro 653. À bientôt.